pareil sur le dos, c'est évident que la paix, la tranquillité, c'est foutu. Ce style répond à de nouveaux critères. Faudra s'y adapter, bon gré malgré. Toujours acquéri, un stylo, une feuille, un beat et je guéris. Tu vas sentir l'impact de mon mic, ma wachi guérie. Et puis tant pis si je péris, vu la longueur du périple. Je lâche une première série car l'avancée est pas terrible. Laisse-nous partager, moi je mène mon rap à son apogée. Tu peux me juger, nous jauger, toujours pas prêt à décrocher. Tu sortiras sûrement de l'amertume dans ce projet. Excusez-moi si à quelques règles j'ai dérogé sans déranger. Tranquillement je me suis calé dans la rangée. Puis j'ai gratté des couplets car franchement ça me démangeait. Pas de pensée d'ange, j'écris toujours vrai comme je l'ai fait pour les précédents. Avec des faces toujours dans l'excédent. Je fais pas de morale, juste ma vision, radu dans vocal. Rien du local, de quoi faire péter ton vocal. Radical, parce que chaque frappe se réchirurgicale. Rien d'amical, mais rien ne sert de jouer les kamikazes.